Chapitre 14. Le régal mal assaisonné. Maintenant, messieurs, dit Paulin Broquet au magistrat, venez avec moi. Il les entraîna vers le pavillon de cristal. Les magistrats étaient accourus sur l'appel du détective pour établir le procès-verbal du drame qui venait de se dérouler dans la villa mystérieuse. M. Baumy était là, et le juge d'instruction et le commissaire de police de Boulogne, tout l'appareil judiciaire d'habitude. Le célèbre chirurgien Douairier, dont le grand cœur vaut la science et dont on connaît le dévouement pour tout ce qui est artiste, littérateur ou savant, sur un coup de téléphone de Paulin Broquet, s'était empressé d'accourir. Il s'empressa de donner ses soins à Miss Hidden, et jusqu'au jour il demeura au chevet de l'adorable malade. « Je la sauverai », avait-il dit à Paulin Broquet. Et Paulin Broquet, à ce moment seulement, recommença lui-même à vivre. Il croyait n'avoir présenté au sujet qu'un cadavre, mais le docteur Douairier a l'habitude des miracles. « Il en fera un de plus », pensa Paulin Broquet. Les hommes, qui, anxieux dans le couloir, attendaient des nouvelles, partagèrent cette opinion. Car, puisque le docteur Douairier promettait de sauver Miss Hidden, il n'y avait plus qu'à attendre la réalisation de cette promesse. Alors, rassurés, pleins de confiance, Paulin Broquet et ses hommes se remirent à leur mission. Quand les magistrats arrivèrent, le détective, très calme, maître de lui, put leur donner tous les détails qu'ils demandèrent sur le drame. Ayant raconté la façon dont Zigomar l'avait attiré dans le pavillon de cristal et quelle mort lui était réservée, ayant révélé la trahison de Big, il ajouta « Ce noir était, messieurs, absolument dévoué à sa maîtresse. Ceci n'est nullement une plaisanterie. Je l'affirme en vous prouvant sa trahison. Pour Miss Hidden, il se serait fait hacher en menus morceaux. Mais Big avait encore plus peur de celui qu'il appelait le maître. Il ressentait une peur superstitieuse de cet homme qu'il avait mutilé, rendu à moitié aveugle, qui lui avait coupé la langue. Le maître seul pouvait forcer Big à trahir sa maîtresse. Encore, ce malheureux, en la trahissant, la trahissait si mal qu'il m'indiqua lui-même combien la trahison lui était pénible et pourquoi il ne pouvait pas ne pas commettre cette infamie. Paulin Broquet ajouta « J'étais donc prévenu et me tenais sur mes gardes en entrant dans cette villa. Tout était prêt pour m'exécuter. On voulait, plaisir renouvelé de ces barbares nommés Romains qui jetaient des esclaves aux lamproies, me donner en pâture au serpent boa. Le pavillon de cristal était surchauffé depuis le départ de Miss Hidden pour le cirque. Les serpents dégourdis sentaient leur formidable appétit les faire souffrir et ils rôdaient dans la serre en quête de la proie à broyer, à engloutir. La proie qu'on leur destinait, c'était moi. Je vins donc ici et je pénétrai dans cette serre où m'attendaient les serpents qui devaient me dévorer. Zigomar avait invité Thumbtwig et les membres de son conseil, ses assesseurs, qui faisaient ici office de domestique. On avait en effet ficelé et jeté à la cave le Canadien et les autres serviteurs de Miss Hidden qui voulurent tenter de défendre leur maîtresse. Pendant que j'étais dans la serre, Zigomar donnait chez Miss Hidden à ses amis un souper pour fêter la victoire du maître invisible de Zigomar et la mort de Paulin Broquet qui, continuant d'être naïf, avait donné dans le piège et qui certainement à cette heure était mort et dévoré. Quand Zigomar, plein de confiance, vint pour voir comment les boas me digéraient, il éprouva une surprise indescriptible en m'apercevant tout tranquillement assis dans un fauteuil, bien vivant, et fumant ma sempiternelle cigarette. Paulin Broquet, après un court moment de répit, ajouta « Zigomar devait me croire en effet mort. Il avait envoyé pour premier renseignement le noir Big, qui devait en même temps après avoir constaté mon trépas, abaisser la température de la serre. Or, comme Zigomar arrivait dans le couloir qui précède le pavillon de cristal, un cri de douleur retentit qui put lui faire croire que j'en étais à ma suprême défense, à la dernière minute de mon épouvantable agonie. Or, messieurs, ce cri d'épouvante, de douleur atroce, avait été poussé par le malheureux Big. Zigomar lui avait sans doute commandé de venir voir si j'étais mort, mort et dévoré. Big devait s'en assurer, et probablement ensuite diminuer la température de la serre et même faire jouer les tuyaux amenant le froid. Le froid est immédiatement provoqué par la détente d'air liquide. En quelques minutes, si l'on voulait, ces arbres, ces fleurs qui s'épanouissent sous la température tropicale, seraient couverts de givre et des glaçons pendraient aux traverses d'acier de la toiture. Le noir savait qu'il devait obéir au maître redouté et ne pas lui apporter une réponse douteuse. Il chercha donc à me voir. Moi, en entendant ouvrir la porte de cristal, ne sachant naturellement qui venait, et me tenant sur mes gardes, je m'étais dissimulé derrière une des plus grosses caisses de palmiers. Je vis le nègre apeuré avancer lentement, d'un pas tremblant. De tous côtés, il tournait la tête, cherchant et sentant son angoisse augmenter. Il avait peur, horriblement peur des fantômes. Tout à coup, je le vis s'arrêter net, comme si ses jambes lui refusaient tout service. Devant lui, soudain, le plus gros des boas s'était dressé. Cela ne dura que quelques secondes, et le noir fut entouré par les anneaux du colosse, jeté à terre, broyé. C'est alors qu'il poussa son cri. J'essayais d'intervenir, mais je ne pus rien faire et j'assistais au supplice du malheureux. Je le vis tordu, brisé. J'entendis le craquement de ses os, puis son corps énorme fut pétri, réduit en bouillie, couvert de bave, et deux des boas se partagèrent la proie. Paulin Broquet ajouta, « Moi, ne pouvant rien, et n'ayant autre chose à faire, je suis allé m'asseoir dans le fauteuil d'osier et comme le temps me paraissait long, j'ai allumé une cigarette en attendant les événements. » Il conclut, « Maintenant, messieurs, vous connaissez la suite. » M. Baumier, cependant, posa cette question au détective, question qui venait à l'esprit de chacun des auditeurs. « Comment se fait-il, Paulin Broquet, que vous ayez pu, vous, pour qui le piège était tendu, vous, que l'on destinait au repas des serpents, que vous ayez pu demeurer si longtemps dans la serre, au milieu des monstres, sans en être plus que cela incommodé ?»« Oh, pardon ?» répondit le détective. « Je n'étais vraiment pas à mon aise. J'ai tout fait, j'étais en nage. » Il faisait dans cette serre une température épouvantable, et je supporte mal la chaleur. C'est un léger inconvénient, cela, à côté du désagrément de servir de repas au boa. Comment enfin se fait-il que vous n'ayez pas, vous, la victime désignée, choisi, subi le sort de ce malheureux big ? Paulin Broquet se mit à rire. Je m'étais mal assaisonné. On ne comprenait pas. Ce qui veut dire, lui demanda encore le chef de la sûreté. Mis en défiance par la lettre que me présenta Big, j'ai flairé aussitôt un piège et j'ai pris quelques précautions qui n'ont pas été inutiles. J'ai eu l'intuition que le piège que me tendait Zigomar devait se trouver dans le pavillon de cristal, et j'ai deviné qu'il avait choisi pour auxiliaire les terribles boas. À tout hasard, donc, je me suis muni de ce qui devait me rendre intangible, de ce qui devait écarter de moi non seulement les gros boas, mais les charmants serpents corail, plus perfides et plus dangereux mille fois. Qu'est-ce ? Oh ! Tout bonnement du goudron. Du goudron, oui. J'ai pris une bouteille de goudron liquide, de coltard et un vaporisateur, et quand le traître Big eut fermé sur moi la porte de cristal, je me suis parfumé avec ce coltard. Les serpents s'écartaient de moi, me fuyaient, donc j'étais sûr que tant que je sentirais le goudron, ils ne m'approcheraient pas, ni les gros, ni les petits. Paulin Broquet ajouta, « Je n'ai rien inventé. » Tous les nomades du désert ou de la prairie, les Indiens d'Amérique, les Arabes d'Afrique, les Noirs qui vivent dans des huttes, les hôtes des gourbis, connaissent ce secret, ce pouvoir du goudron. Ils ont soin de jeter du goudron tout autour de leur demeure, de leur repère, et les animaux rampants, les scorpions, les serpents et autres, s'éloignent et fuient. Je me suis donc parfumé au goudron et rendu inattaquable. Et voilà pourquoi, messieurs, les auxiliaires de Zigomar, bien qu'ayant très faim, m'ont dédaigné, me trouvant vraiment trop mal assaisonné. »